Chapitre 14. Les premiers pas. La varenne connaissait Rome. Il dirigea la petite troupe vers une ruelle proche de l'église Saint-Eustache, à l'hôtellerie du grand monarque, maison réputée et discrète. Ceci n'exclut pas cela. Ce choix, expliqua-t-il à Daubigné et à Roselin, aura plusieurs mérites. Quels ? Outre que c'est là un quartier populeux, où nous ne serons guère remarqués, nous aurons l'avantage d'être près du Vatican, puisqu'il nous suffira de traverser le pont Adrien pour être au château Saint-Ange. « Hein ?» sursauta Belcoeur en entendant ce nom. Guillaume le regarda, surpris. « Eh oui, » dit-il, « le château Saint-Ange appartient au Vatican, puisqu'il y a plus de 200 ans, il fut mis en communication par un passage souterrain avec le palais des papes. « Hein ? Très bien, très bien. » fit Roselin, qu'il ne voulait pas livrer son secret. Il approuva vivement l'avis de la varenne, joyeux à part lui, à l'idée qu'il logeait près de ce château Saint-Ange, au pied duquel se trouvait l'établissement de bain du signor Numa Perfecto, où la belle comtesse lui avait donné rendez-vous pour le surlendemain. Les gentilshommes et leurs compagnons étaient entrés à Rome vers les 7 heures du soir. À cette époque de l'année, octobre, le crépuscule descend tôt. Leur passage ne fut pas remarqué. D'ailleurs, nombreux étaient les équipages princiers ou religieux, les troupes de cavaliers, les caravanes de pèlerins, les litières de dames ou de prélats qui circulaient dans la ville éternelle, venues de tous les points du monde chrétien. L'hôtelier du grand monarque accueillit gracieusement les voyageurs et leur installation fut faite fort convenablement. Ils dînèrent et, un peu las de ce long voyage, se couchèrent de bonne heure, mais dès le lendemain, ils tinrent une conférence pour discuter le plan à suivre. Roselin, fougueux et téméraire, émettait des opinions hardies et tant soit peu imprudentes. La varenne, plus raisonnable, montrait néanmoins une précipitation et une ardeur encore trop juvéniles. Mais le sage Daubigné, avisé sérieux, faisait contrepoint aux deux jeunes gens. Il modérait leur effervescence, si bien que ceux-ci se rendaient à ses arguments. Il fut convenu qu'avant de rien tenter, on observerait tout d'abord les êtres du palais des papes, les habitudes, les allées et venues, pour saisir le moment propice. Les gentilshommes devaient se réserver pour le coup final et s'en rapporter jusque-là à leurs écuyers en tout ce qui concernait la surveillance du Vatican. Roselin préparait tout pour agir au moment opportun. Dès l'aube, il avait eu l'envie violente de courir à la recherche du palais Dolci. Et sitôt la conférence terminée, il trouva un prétexte pour laisser ses amis et sortir. Sulpice l'accompagnait et aussi Rodolphe, qui parlait assez italien. Les trois hommes gravirent donc une rue qui menait au Pincio et furent bientôt devant le palais Médicis. Là, il fallut s'enquérir de la Villa Dolci. Des enfants jouaient près d'une fontaine qu'abritait un vieux figuier. Rodolphe interrogea le plus âgé des gamins, pensant obtenir le renseignement, mais l'autre ne savait rien. Il s'échappa, retournant au jeu. Des femmes sortant des maisons voisines se campèrent sous le seuil de leurs portes, regardant curieusement les trois étrangers. Belcoeur craignit de trop attirer l'attention et entraîna ses compagnons vers une voie déserte. À peine étaient-ils parvenus au milieu de cette rue qu'ils virent deux cavaliers, dont l'un bronzé de teint, sortir d'une poterne située sur la gauche. Hors de la porte, les deux cavaliers prirent le galop, non sans avoir jeté un coup d'œil sur Roselin et ses deux compagnons. Hé ! Mais qu'a donc ce demi-nègre à nous toiser de la sorte ? S'exclama Belcoeur, l'humeur batailleuse déjà. Sans doute un mari jaloux qui craint un galant. Et quelle femme, Pâque Dieu, n'aurait pas de galant si elle était l'épouse d'un tel hibou. Le fait est, monsieur le baron, que ce gentilhomme a un visage bien rébarbatif, et qu'il ne dépasse en laideur que monsieur de Roquelaure, l'homme le plus vilain de France. Un jeune Romain arrivait vers eux. Il portait sur ses épaules un grand panier de fruits et s'arrêta devant la poterne, s'apprêtant à y frapper. « Interroge ce garçon, » souffla Roselin à Rodolphe. « Oh là, l'ami !» s'écria aussitôt le valet. L'adolescent suspendit son geste et se retourna vers celui qui l'interpellait. « Que voulez-vous, signor ? Tes fruits sont-ils à vendre ? Non, signor. Je les porte justement ici. Hein ? À qui donc ? À son excellence, la comtesse Dolci. » Belcoeur retint un cri d'étonnement joyeux. « C'est donc là qu'elle demeure ? » murmura-t-il. « Un gentilhomme vient de quitter cette maison, » poursuivit Rodolphe. « Tu as dû le rencontrer. » Il était à cheval, suivi d'un laquais. C'est monsieur le marquis de Porto Carrero. Hein ? Se dit Belcoeur, l'ambassadeur d'Espagne. En effet, l'écharpe rouge, couleur de la cour de Madrid. Que faisait-il séant ? Reprit Rodolphe en montrant négligemment un sequin. Un sourire plissa les lèvres du fruitier. « Il y est plus souvent qu'au palais de l'ambassade, » fit-il avec une grimace moqueuse. « Alors le marquis serait au mieux avec la contessina ?» demanda Rodolphe en jetant le sequin dans la toque du petit marchand. « Vautour et fauvette, mais ce ne sont pas là mes affaires, signor. » Givry sentit soudain le poignard de la jalousie lui labourer le cœur. Le jeune fruitier frappa le heurtoir. Il n'était pas possible de continuer l'entretien. Quelqu'un allait venir. Nos amis s'éloignèrent. C'était assez de renseignements pour ce matin-là. Belcoeur regagna l'hôtellerie du grand monarque et presque aussitôt entra dans la chambre d'Agrippa. « Mon cher d'Aubigné, connaissez-vous le marquis de Porto Carrero ?»« L'ambassadeur du roi Philippe, certes, il est à Rome actuellement et même très bien en cour auprès du pape. »« Quel homme est-ce ? » ?»« Un de ces fanatiques, comme il en pousse tant par ici. » Une âme d'inquisiteur, des appétits de bourreau, un cœur de tortionnaire. Joli portrait, interrompit Roselin. Il est très riche, paraît-il. À jeter l'or à pleine main. Avec cela, ambitieux, orgueilleux de son rang, avide de pouvoir, ayant de lui et de son intelligence une opinion très haute. Il abomine la France et tout ce qui en vient. Si cet homme-là se trouve sous nos pas, ce sera terrible. Belcoeur eut un mouvement. Pensa-t-il. Il y est. Sous nos pas, c'est-à-dire sous les miens. Alors, prenons garde. Roselin ne pensa pas une seule seconde à cesser une aventure qui s'annonçait grosse d'orage. Au contraire, ce qu'il venait d'apprendre de la vie de Johanna Dolci l'excitait à poursuivre plus avant cette intrigue imprégnée de danger et parfumée de mystère. Quel homme ardent et jeune se refuserait à accueillir une pareille fleur? Aussi attendit-il patiemment le lendemain. Ne devait-il pas, ce jour-là, rencontrer la comtesse ? Ce doux mirage l'inondait de sa chaleur, de sa lumière, et l'idée de braver des périls secrets, de susciter la colère d'un homme puissant et jaloux, attisait encore son désir. Belcoeur dormit mal cette nuit-là. Morphée, dieu du sommeil, fait mauvais ménage avec Cupidon, dieu de l'amour.